franceinter.com. L'énigme Albertini. Ainsi conclut à Monsieur X dans la première partie de notre entretien consacré à ce personnage mystérieux, Georges Albertini. Je résume. Albertini est d'abord un ardent militant socialiste, pacifiste et antifasciste, avant de basculer au tout début de la Seconde Guerre mondiale dans l'extrémisme de droite. Apôtre d'une collaboration totale avec l'occupant, il devient secrétaire général du RNP, Rassemblement National Populaire, une mauvaise copie française du parti nazi. Dans ses écrits, dans ses discours, il professe alors un antisémitisme virulent et appelle les adhérents de son parti à pourchasser les juifs partout où ils se trouvent. Quand vient la libération, contrairement à son mentor et patron Marcel Déat, Albertini demeure en France. Fin septembre 1944, il est arrêté. Inculpé d'intelligence avec l'ennemi, il risque la peine de mort. Ce sera le sort réservé à d'autres éminentes figures de la collaboration. Mais Albertini, jugé fin décembre 1944, écope d'une peine qui est sans aucune mesure avec les faits qui lui sont reprochés. 5 ans de travaux forcés. Ce qui lui permet de recouvrer la liberté dès 1948. Pourquoi cette clémence assez incompréhensible, surtout à un moment où l'épuration bat son plein? De quel puissant soutien a bénéficié Albertini? Ces mêmes soutiens qui vont lui permettre, dès sa libération, de devenir un personnage incontournable de la vie politique, une éminence grise consultée par quelques-uns des politiciens les plus importants de la 4e et de la 5e République. Monsieur X essaie donc de déchiffrer l'énigme Albertini. On n'est pas des flics ordinaires, on ne colle pas des contraventions, on ne fait pas la chasse aux gangsters, on ne catéchise pas les blousons. La police, on est les perlous, à côté de nous, même Scotland Yard, à l'air d'un ramassis de cocards, la PJ fait franchement tartouze. Gare au bar, gare au bar rose. On est des gourmands de la bagarre, on a la manchette en nickel. Faut dire qu'on marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas au vitel. Pour la gauche, j'ai une préférence. Je m'en sers dans les grandes occasions. Ouais, ouais, ouais. Dis surtout pas ça au patron, c'est un type qui est plutôt vieille France. Gare au bar, gare au bar, au barbeau. On connaît les langues étrangères, Hans Weidrei. On n'est pas obtus à Munich, à New York, au Caire. Comme ça on passe inaperçu. Remarquez pour qu'on s'en souvienne qu'on ne mélange pas les baratins. Quand on nous masse tous les matins, on assit sur la boîte crânienne. Gare au bar, au bar blouse, la la la la la. Je ne veux pas me répéter, mais il me faut quand même rappeler quelques points essentiels qui permettent d'expliquer un tant soit peu le mystère Albertini. Il y a d'abord le fait que Georges Albertini, avant même la Seconde Guerre mondiale, a tissé un incroyable réseau de relations dans les milieux les plus divers. Et d'abord, naturellement, dans son terreau d'origine, la SFI. Oui, le Parti Socialiste. Ouais. Albertini, cadre promis à un brillant avenir, ainsi put fréquenter tous les hiérarques du parti et nouer de solides amitiés. Et certains sauront s'en souvenir, malgré les errements d'Albertini pendant la période de l'occupation. Mais je vous en ai parlé la semaine passée. Ce militant socialiste a aussi été en contact avec quelques ecclésiastiques influents. Il a certainement flirté avec des dignitaires de la franc-maçonnerie. Et puis, disiez-vous, il y a eu la cagoule. La cagoule, une organisation clandestine et terroriste financée par le grand patronat, oui. Je ne sais pas si Albertini a été cagoulard, mais il est certain qu'il a approché quelques-uns de ses membres, autant de gens qu'il retrouvera pendant la guerre, le régime de Pétain étant truffé d'anciens cagoulards. Enfin, il y a sa proximité avec l'un des personnages les plus influents du monde des affaires, le banquier Hippolyte Worms. Un homme qui a même partagé sa cellule à Fresnes. Et qui a été manifestement séduit par l'intelligence d'Albertini. À tel point que Worms le récupérera dès sa sortie de prison. Ouais. Et puis il y a cette particularité d'Albertini, sa graphomanie. Si l'on peut dire. Albertini rédige des fiches sur tout et tout le monde. À lui tout seul, c'est un vrai service de renseignement. Et c'est une façon d'assurer son avenir. Certainement. Mais le ciment qui lie tout cela, c'est son anticommunisme. Très tôt, avant même la Seconde Guerre mondiale, Albertini a érigé en dogme que le principal danger qui menaçait le monde occidental était le communisme. C'est ainsi qu'il est devenu un expert, et donc l'un des meilleurs connaisseurs de la galaxie communiste, une spécificité qui va lui attirer de nombreuses faveurs. Et des soutiens. Bien entendu. Alors, reprenons le fil de l'existence de Georges Albertini. En décembre 1944, après un étonnant procès... Vous avez même parlé d'un véritable tour de passe-passe. Oui, parce que le zélateur d'Hitler est soudain devenu un homme de gauche égaré, un pacifiste qui s'est fourvoyé en toute bonne foi. On a même oublié ses discours violemment antisémites. Et ce n'est pas surprenant. Tout de suite après la guerre, on ne parle pas beaucoup du sort spécifique qui a été réservé aux Juifs. On considère que ce sont des déportés comme les autres, hein, point c'est tout. Par exemple, dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle y fait à peine allusion. Donc, au cours du procès d'Albertini, ce n'est pas le point principal. Mais je reviens à ce que je disais. À l'issue de cet étonnant procès, le verdict surprend par sa clémence. 5 ans de travaux forcés. Hein. Plus l'indignité nationale, la confiscation de ses biens. Elle n'est pas cher payée pour un homme qui, tout de même, en tant que dirigeant de la LVF, la Légion des volontaires français, a envoyé des jeunes gens se battre sous l'uniforme hitlérien. Et la clémence du verdict a d'ailleurs ému de nombreux résistants et provoqué la colère d'Albert Camus. Mais ce qui suit n'est pas moins étonnant. En février 1948, Albertini a alors passé à peine 3 ans et demi en prison. Le président de la République décrète une remise de peine d'un an, la levée de son interdiction de séjour et une limitation de la confiscation de ses biens. Et dès le mois de mars, Albertini est élargi. Le président de la République, c'est alors Vincent Auriol. Hein. Un dirigeant de la SFIO et donc un homme qu'Albertini a très bien connu avant guerre. C'est à jouer. Forcément. Mais un autre homme politique d'envergure, le radical Édouard Herriot, ancien président de l'Assemblée nationale, serait aussi intervenu en sa faveur. Ce qui montre, en tout cas, l'étendue des relations d'Albertini. Et 3 ans plus tard, Albertini sera amnistié. L'oubli total. Quoi. Et donc une véritable réhabilitation. Mais en attendant cette mesure de pardon, Albertini n'a pas perdu son temps. Dès le mois de mars 1948, il se rend chez Hippolyte Worms. Comme ce dernier l'y a pratiquement invité lorsqu'il partageait la même cellule à Fresnes. Oui, quand l'ancien collabo ressort du bureau du banquier, il a hérité d'un poste de conseiller technique et il est chargé de rédiger un ouvrage commémoratif pour le centenaire de la création de la banque. Mais, détail intéressant, si on lui attribue un bureau... L'entrée de celui-ci ne se fait pas par la porte centrale de l'établissement. Ah oui, parce que Albertini sent encore le soufre et que Worms ne veut pas que son recrutement soit rendu public. Bon, il y a certainement de cela, mais cette discrétion s'explique aussi autrement. Albertini, conseiller technique, va exercer des activités qui n'ont pas grand-chose à voir avec le métier de banquier, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire ? Albertini est chargé de créer une officine anticommuniste, une sorte d'agence de renseignement privé dont l'objectif est de surveiller les activités communistes et de mettre sur pied ce que l'on appellerait aujourd'hui une banque de données sur ces mêmes activités, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et bien sûr, c'est à l'expert anticommuniste que Worms s'est adressé. Mais quelle sera l'utilité de cette banque de données, comme vous dites là ? Elle sera mise à la disposition de tous ceux que ça intéresse. Et d'abord en priorité les hommes politiques qui ont besoin d'informations lors de leurs campagnes électorales, par exemple. Ah oui. Peu à peu, Albertini et son officine seront capables de leur fournir des arguments électoraux de premier ordre. Ouais. Des programmes clés en main, quoi. Et ça ira beaucoup plus loin. Bon, n'allons pas trop vite. Hein. Pour résumer, je dirais qu'Albertini est un peu l'inventeur de ces boîtes à idées que sont aujourd'hui les think tanks américains. Et il faut aussi ajouter qu'à côté de cette activité politique, Albertini sera aussi progressivement consulté par Worms sur quelques grandes questions internationales. Ah, il va donc aussi jouer réellement là, le rôle de conseiller. À l'occasion, oui. Et parfois, ses avis seront particulièrement judicieux. Vous avez des exemples hein? Un seul, mais il est spectaculaire. Au milieu des années 50, Albertini pressent que l'arrivée au pouvoir en Égypte de Nasser et son rapprochement avec Moscou vont avoir des conséquences très graves pour les intérêts occidentaux dans le pays. Or, la banque Worms détient de grosses participations dans des entreprises égyptiennes et dans la compagnie du canal de Suez. Hippolyte Worms écoute Albertini et rapatrie ses capitaux juste avant que Nasser ne nationalise le canal. Vrai ou faux, Albertini aurait alors confié à l'un de ses proches « Avec ce coup-là, j'ai gagné mon salaire pour toute ma vie. » Et au fait, il était bien payé ? Vraisemblablement, oui. J'ajoute que, subsidiairement, Albertini était aussi chargé de veiller à ce qu'aucun sous-marin communiste ne soit recruté par la banque. Ça, c'est du boulot d'espionnage, en somme. Classique, hein. Oui, ça ne vous étonnera pas. La chasse aux sorcières n'a jamais fait peur à Georges Albertini pendant et après la guerre. Seule différence, elle est taille sous l'occupation. C'était un homme public, un conférencier de talent et un éditorialiste impénitent. Mais maintenant, bah c'est un personnage discret, un homme de l'ombre qui évite surtout de faire parler de lui. Ce qui n'empêche pas de rencontrer beaucoup de monde et de rendre un service. Mais autant de futurs obligés. Et de précieuses relations qui pourront lui servir plus tard. C'est ainsi par exemple qu'il sympathise avec un jeune fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Un collègue banquier. Oui, un certain Georges Pompidou. Et naturellement, quand celui-ci deviendra Premier ministre puis Président de la République, Albertini ne manquera pas de se rappeler à son bon souvenir et il sera toujours très bien reçu tant à Matignon qu'à l'Élysée. Mais avant de voir dans le détail comment fonctionnait la maison Albertini, je voudrais vous livrer une anecdote qui montre bien l'envergure du personnage et l'attraction qu'il exerçait sur le personnel politique. En mars 1948, alors qu'il vient de quitter la centrale de Poissy où il purgeait sa peine, Albertini est abordé par un émissaire du Parti communiste. Le Parti communiste dont il a toujours été un farouche adversaire. C'était même ainsi que je voulais démontrer sa marque de fabrique. Et alors que lui veut cet émissaire-là ? Bah, il lui offre tout simplement de le recruter. Et c'est ahurissant comment ? Le parti des 75 000 fusillés, hein, comme il aime à se faire appeler après-guerre, peut-il imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, faire une telle offre à un collaborateur notoire? Et c'est pourtant la vérité. Bah oui, mais que comptait en faire le Parti communiste? Exactement, bah, je ne sais pas. S'agissait-il de neutraliser un redoutable adversaire ou bien de mettre au service du parti une intelligence hors pair et un organisateur de premier plan? Enfin, peu importe. En tout cas, l'offre lui a été bien faite et Albertini a refusé et préféré créer sa petite officine à l'ombre de la puissante banque Worms. Rendez-vous avec X. Quelle était la véritable fonction de Georges Albertini à la banque Worms ? Témoignage d'un ancien directeur général de la banque recueilli par Pierre Assouline et publié dans un numéro de l'Histoire. Je cite. La plupart des gens de la maison ignoraient jusqu'à la présence d'Albertini. Je dirais même 98% d'entre eux. Il n'avait pas vraiment un rôle dans la banque, mais à la maison mère. C'était le temporisateur, d'une part parce qu'il avait de hautes relations, d'autre part parce que Dans une société de personnes où les associés gérants ont tous des pouvoirs égaux, il faut un diplomate et un tacticien pour les rapprocher et apaiser les conflits. Ils renseignaient les uns et les autres sur leurs arrière-pensées réciproques, à leur demande. C'était un rôle délicat de messager, ou plus exactement de go-between. Il avait la confiance de tous, c'était le facteur humain, le grand conciliateur, même si nos différends n'étaient pas toujours des conflits. Cela dit, c'était son rôle interne à la maison. Pour le reste... Le reste, c'est bien évidemment le travail anticommuniste occulte de cet homme de l'ombre. Pour un homme comme Albertini qui fait profession d'anticommunisme, les premières années d'après-guerre sont pain béni. L'Occident est alors tétanisé par l'apport du communisme. En Europe de l'Est, Staline règne en maître sur tous les pays satellites conquis à l'issue du conflit mondial. En outre, l'URSS dispose désormais de l'arme atomique et au même moment, Mao s'est emparé du pouvoir à Pékin. Alors, rien ne semble arrêter l'expansion communiste. On en aura une nouvelle preuve avec la guerre de Corée. En France même, le Parti communiste, bien qu'il ne possède plus de ministre, jouit d'une influence considérable. Et les grandes grèves de 1947 ont permis de juger de son pouvoir de nuisance. Albertini n'a donc aucun mal à persuader ses interlocuteurs politiques que la lutte contre le communisme doit être une priorité. C'est évident. Et en 1951, à l'occasion des élections législatives, il va donner, si j'ose dire, un témoignage éloquent de son talent. Alors comment ? Quelle façon ? En livrant aux candidats de la droite traditionnelle des arguments de campagne, mais aussi en les aidant financièrement. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Auparavant, je dois vous dire qu'Albertini a étoffé sa boutique. C'est-à-dire ? Il rassemble autour de lui un certain nombre de personnages qui vont l'épauler. Parmi eux se trouvent nombre d'hommes qu'il a bien connus pendant la période de l'occupation, tels les Jean Madiran ou Roland Gaucher, des types qu'on retrouvera ensuite au Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a aussi un ancien journaliste du Populaire, le quotidien de l'SFIO, ou encore un dirigeant du groupe des industries métallurgiques, ancêtre de l'UIMM, qui a tellement fait parler d'elle il n'y a pas si longtemps. Autre puissant soutien. Émile Roche, futur président du Conseil économique et social. Ouais, du beau monde. Mais sa principale recrue est un personnage quasi légendaire, Boris Souvarine. L'ancien bolchevique. Oui, le compagnon de Trotsky. L'homme qui s'est posé en rival de Lénine dans les premières années de la Révolution d'octobre. Et qui a fini par être exclu. En 1924, oui. Dès ce moment, Souvarine, réfugié à Paris, est devenu un ennemi acharné du bolchevisme et donc du communisme à la sauce russe et stalinienne. Et par le biais de l'Institut international d'histoire sociale qu'il a créé au milieu des années 30, il a consacré sa vie à dénoncer les crimes de Staline et du communisme soviétique et a accumulé une incomparable documentation qui a fait le bonheur d'un grand nombre de chercheurs. Mais le personnage a aussi un côté plus obscur. Que voulez-vous dire là ? Au cours de ces mêmes années 30, Souvarine a collaboré très discrètement avec des publications d'extrême droite, comme Gringoire. Ça, c'est le journal qui sera accusé d'avoir poussé le ministre du Front populaire, Roger Salengro, à se suicider. C'est ça. Et on comprend que Souvarine ait préféré passer sous silence cette collaboration. Oui. Et pendant la guerre, alors ? D'origine juive, Souvarine a jugé plus prudent de s'exiler aux États-Unis. Là-bas, accueilli dans une université, il aurait été en relation avec les services secrets américains et même avec la DGER française, l'ancêtre du SDEC. Et sa rencontre avec Albertini Ces deux-là, si je peux me permettre, étaient faits pour s'entendre et travailler en commun. Mais deux spécialistes qualifiés de l'anticommunisme. Alors, leur rencontre, c'est un avocat qui l'a permise en 1949, parce qu'il avait été autrefois le défenseur de Souvarine avant de devenir celui d'Albertini en 1944. En tout cas... Ensemble, les deux compères vont doter leur agence anticommuniste d'une façade légale. Ce sera le BEDES, le Bureau d'études et de documentation économique. Et l'argent ? Du côté d'Albertini, il y a bien sûr Worms, qui continue de financer. Mais le groupe des industries métallurgiques et minières y va aussi de sa contribution. Quant à Souvarine, il dispose pour sa part de l'appui de quelques généreux donateurs états-uniens. Ouais. Et en cette période de guerre froide, ce n'est guère étonnant. Et bientôt, il ne faut pas l'oublier, ce sera le maccartisme. En tout cas, ces financements divers permettent aux deux hommes d'éditer une revue, le Bulletin d'études et d'informations politiques internationales, qui deviendra très vite la bible de l'anticommunisme. Et à l'occasion, Albertini a demandé à sa plume des années sombres, Guy Lemonnier, dit Claude Armel, de le rejoindre. Cet homme prendra de plus en plus d'importance. Et c'est lui qui met en musique les idées foisonnantes de Georges Albertini. Donc la petite boutique là, d'Albertini se structure. Et devient de plus en plus influente, oui. Bientôt, elle occupe de nouveaux locaux, au 86 boulevard Haussmann. Un jet de pierre du siège de la Banque Worms qui se trouve au 45. Ah bah c'est pratique ça. En même temps, Albertini crée un centre d'archives et de documentation politique et sociale tout en publiant de nombreux journaux de propagande. D'ailleurs, ce centre obtient bientôt le statut d'agence de presse tandis que le bulletin édité par Souverine et Albertini adopte un titre plus glamour, comme on dit aujourd'hui. Ce sera désormais Est et Ouest. Parallèlement, Albertini multiplie ses relations avec le personnel politique de la 4e République, toutes tendances confondues. Des socialistes aux gaullistes, en passant par les démocrates chrétiens du MRP, à l'exclusion des communistes, bien entendu. Et ces gens-là, alors, tous ces gens-là, connaissent son passé ? Naturellement. Mais ça ne les empêche nullement de consulter l'ancien collabo, de quêter ses conseils et d'utiliser son réseau. Albertini connaît tout le monde. Et quand on désire faire carrière, le personnage est indispensable, car il est au centre de la vie politique. Il est d'ailleurs bien connu que lorsqu'on veut de l'argent pour une campagne électorale, par exemple, on va voir Boutemi, l'homme qui distribue l'argent du patronat. Mais s'il s'agit d'idées, c'est à Albertini qu'on s'adresse. Ouais, discrètement, quand même. C'est certain. Et rares sont ceux, tels Edgar Faure, qui reconnaîtront de voir beaucoup Albertini à son exceptionnel entre-gens. Car l'ancien secrétaire général du RNP multiplie les initiatives tout au long de la vie éphémère de la 4e République. Toujours en sous-main, bien sûr. Ainsi, on pense qu'il a joué un rôle dans la fameuse affaire des pigeons. Cet épisode qui a brièvement conduit le dirigeant communiste Jacques Duclos en prison. Hein. Duclos accusé de complot contre la sûreté intérieure parce qu'on aurait retrouvé des pigeons voyageurs dans le coffre de sa voiture. L'affaire frappe, chit, comme dit l'autre. Mais la maison Albertini a exploité l'incident et surtout elle a récupéré, grâce à ses bons amis de la préfecture de police, les documents saisis dans la voiture de Duclos. Autre intervention. Lorsqu'André Marty, le fameux mutin de la mer Noire, a été victime d'une purge stalinienne, Albertini a tenté de susciter une opposition interne au sein du Parti communiste. Mission quasi impossible. C'est vrai. Mais toujours dans le même esprit, c'est aussi Albertini qui essaiera d'exploiter les dossiers secrets d'un certain Delarue, un ancien flic des RG, chargé pendant la période de l'occupation de traquer les militants communistes. Albertini jouera aussi un rôle occulte dans l'affaire des fuites. Ça, c'est le complot destiné à compromettre le ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès-France, François Mitterrand. Oui, mais contre toute attente, Albertini prendra le parti de Mitterrand en démontrant que les documents qui mettent en cause le futur président de la République sont des faux. Et contre toute attente, pourquoi ? Parce que les instigateurs de cette affaire sont de ses amis, le préfet Bello et le commissaire Dide, deux hommes proches de la droite extrême qu'il a très bien connus à l'époque de la collaboration. Alors, si je vous ai bien compris, là, dans cette affaire, il a joué contre son propre camp ? Peut-être. Mais il a sans doute estimé que le service rendu ne serait pas oublié. Une sorte d'investissement sur l'avenir ? Pourquoi pas ? Et Albertini aura une attitude semblable lors de l'émergence du poujadisme en 1955. Le patronat étant très hostile à ce mouvement de révolte des artisans et des petits commerçants, Albertini travaillera à désamorcer la menace, alors même qu'il compte chez les poujadistes des hommes dont il est politiquement proche. Un Le Pen, par exemple. Enfin, et j'en aurai terminé avec l'activité d'Albertini sous la 4e République, il sera l'un des premiers à savoir que le président René Coty appellera De Gaulle à lui succéder et dans la perspective de l'élaboration d'une nouvelle constitution, il mènera une intense action de lobbying pour obtenir l'interdiction constitutionnelle du Parti communiste. Ouais, mais en vain. Oui, oui, et à l'occasion de l'arrivée au pouvoir du général De Gaulle, Georges Albertini connaîtra lui aussi sa traversée du désert. Mais auparavant, il me faut évoquer les rapports très étroits que l'homme de l'ombre de la Banque Worms a entretenus avec la CIA. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Les éminences grises, tel est le titre d'un ouvrage de Roger Faligot et Rémi Koffer, paru chez Fayard en 1992. Ces deux spécialistes de l'investigation ne pouvaient pas ne pas s'intéresser à Georges Albertini. Ils décrivent son activité et le succès des journaux et revues qu'il publie. Extrait. Bilan positif. Très souvent, les articles anticommunistes des informations politiques et sociales sont repris mot pour mot dans les journaux, comme le sont parfois ceux que diffuse l'Observateur étudiant, une revue du Trust Albertini, dont le rédacteur en chef se retrouvera 30 ans plus tard haut fonctionnaire au Sénat. Monsieur Georges peut être satisfait de son œuvre. Homme d'influence, il mène une vie d'apparence rangée. Le matin, il quitte son appartement, passe au 86, puis marche jusqu'au 45. Le midi, déjeuner politique. De 15h à 19h, retour au 86 et le soir, dîner politique. Albertini s'est trompé son monde. Petit, mais très présent, il manie à la perfection l'art de s'imposer dans une conversation. Il laisse parler abondamment ses interlocuteurs. Quand ceux-ci sont mis en confiance, le voici qui saute sur le moindre désaccord. Prenant la parole pour ne plus la rendre, ou presque, il expose alors ses idées, les défend, charme, captive. La CIA et Albertini, donc. Aux États-Unis, dès la libération, le poids électoral du Parti communiste français a inspiré les plus grandes craintes. À Washington, on a même craint que Thorez et les siens ne s'emparent du pouvoir. Une crainte infondée, car Staline n'aurait jamais donné son feu vert. En tout cas, le plan Marshall, qui a permis la reconstruction des économies européennes, a d'abord été une mesure destinée à contenir les partis communistes. Mais il fallait aussi agir de façon plus souterraine. Ici même, j'ai évoqué l'action d'un Irving Brown, un agent de la CIA, qui a été très actif en France et qui a distribué beaucoup d'argent et joué un rôle important dans la création de forces ouvrières à l'occasion de la scission de la CGT. Et je suis à peu près certain que les dollars de Brown ont aussi permis le développement de la maison Albertini et l'éclosion des nombreux journaux qu'il a édités. D'autant que son complice sous-marine a lui aussi été financé par l'argent américain. En fait, on le sait maintenant, les Américains avaient mis au point, dans le cadre d'un plan intitulé Cloven, toute une série de mesures destinées à soutenir les initiatives anticommunistes. Il existait même en France un état-major clandestin chargé d'organiser ce combat. En parfait accord d'ailleurs avec les autorités de la 4e République, en dépit des incessants changements de gouvernement. Il y a au moins une certaine continuité. Et qui appartenait alors à cet état-major secret ? On y trouvait ce préfet de police rescapé de la collaboration, Jean Bellot, qui était aussi un dignitaire de la franc-maçonnerie. Il y avait aussi un nommé Jean-Paul David, créateur de l'organisation anticommuniste Paix et Liberté. Mais surtout, Souvarine et Albertini étaient associés à cette entreprise qui, pour contrer l'influence de la CGT, a suscité avec plus ou moins de succès la création de syndicats indépendants. Mmh. Je reviens à ce que vous disiez là tout à l'heure, la traversée du désert de Georges Albertini à partir du moment où De Gaulle revient au pouvoir. Pourquoi ? En raison de son passé ? Ça a dû jouer, même si, je vous l'ai dit, Albertini avait noué de solides contacts avec quelques personnalités gaullistes. Mais il y a d'autres raisons. Le communisme fait moins peur que dans les années 50. On entre dans la période de coexistence pacifique et Khrouchtchev a dénoncé les crimes de Staline. D'autre part, il y a la politique algérienne du général. De Gaulle s'oriente vers l'indépendance de l'Algérie alors qu'Albertini, comme son ami socialiste Robert Lacoste ou son ami du MRP Georges Bidault, est un partisan résolu de l'Algérie française. En outre, le décès d'Hippolyte Worms affaiblit la position d'Albertini au sein de la banque. Mais heureusement pour Albertini, Georges Pompidou va bientôt succéder à Michel Debré et s'installer à Matignon. Ouais, l'ami banquier des années 50. Toutefois, il faudra attendre la formation du troisième gouvernement Pompidou, après l'élection présidentielle de 1965, pour retrouver la plénitude de son influence. Et bien sûr, quand Pompidou succédera au général en 1969, les portes de l'Élysée s'ouvriront en grand. Et ça s'explique aussi par le fait que le nouveau président est beaucoup plus réservé que De Gaulle quant à ses relations avec le pouvoir soviétique. Ah ben, ce qui, bien entendu, satisfait Albertini. Hein. En outre, Albertini va entretenir des relations très confiantes avec deux conseillers de Pompidou, le très droitier Pierre Juillet et la jeune et brillante Marie-France Garraud, qui va, d'une certaine manière, devenir l'élève de Georges Albertini. Mmh. Et que va-t-il lui apprendre ? Bah, il fera son éducation anticommuniste. En avait-elle besoin ? Les convictions, bon, il est certain qu'elle les avait déjà, mais sur le plan théorique, l'enseignement d'Albertini lui a certainement été très utile, quoi qu'il en soit. Grâce à ses relations personnelles avec Pompidou et grâce à la présence de Juillet et Garraud à l'Élysée, Albertini redevient le conseiller occulte qu'il a été sous la IVe République. Avant même l'élection présidentielle de 1969, il a rédigé une longue note sur la politique sociale et économique que devrait suivre la droite. Et effectivement, nombre de ses idées figureront dans le programme de Chaban-Delmas, qui formera le premier gouvernement de l'ère Pompidou. Ouais, la nouvelle société. Hein, et certaines de ses idées seront appliquées. Mais attendez, ce programme, pour me souvenir, était plutôt progressiste, non ? Tout à fait. Albertini avait beau être foncièrement réactionnaire, il pouvait aussi avoir l'oreille d'un patronat plus éclairé, ce qui n'allait pas sans arrière-pensée. Ah oui, des arrière-pensées, lesquelles ? Bah, quand il propose que soit donné aux syndicats le maximum de responsabilités dans la gestion des institutions sociales. C'est aussi pour leur faire porter la faute d'une éventuelle mauvaise gestion. Ouais. Quoi qu'il en soit, sous Pompidou, il a donc recouvré son influence. C'est si vrai qu'il n'hésite pas à souffler le nom de futurs ministres ou qu'il est consulté à tout propos. L'agence de renseignement Albertini fonctionne à plein régime. Exactement. Et c'est important, un moment, le début des années 70, où la gauche, sous la direction de François Mitterrand, se ragaillardit. Et on parlera bientôt d'union de la gauche. Hein. Et pour Albertini, c'est le danger communiste qui réapparaît. Pourtant, si j'en juge par ce que vous m'avez dit précédemment, là, bah, Albertini ne déteste pas Mitterrand. C'est vrai. Mais son alliance avec le Parti communiste français le révulse. Et lorsqu'après la mort de Pompidou, en 1974, Mitterrand sera le candidat de la gauche unie, la maison Albertini et ses succursales vont se mobiliser contre lui et donner toute la mesure de leur compatibilité. Les succursales, hein, de quoi voulez-vous parler ? En 1970, Albertini a créé l'Institut supérieur du travail, un organisme financé grâce à l'argent de la formation professionnelle. Encore une idée promue par Albertini et mise en œuvre par le gouvernement Chaban-Delmas. Ah, il est donc le premier servi. Et succinctement, là, quelle est la raison d'être de cet institut ? On y apprend au cadre la législation sociale et surtout les meilleures façons de contester les luttes syndicales. Un autre organisme appartient peu ou prou à la galaxie Albertini, l'ALEPS, Association pour la liberté de l'entreprise et le progrès social. Une officine ultralibérale dirigée par le complice de toujours de Georges Albertini, le meunier Armel. Un homme qui a également un passé chargé. Et qui a été condamné à la libération et a été lui aussi amnistié. L'ALEPS, qui existe toujours, a surtout été un outil de propagande du patronat. Mais l'association a aussi curieusement servi à recycler un certain nombre de jeunes gens d'extrême droite tentés par l'action violente. Les gens du groupuscule Occident ? Entre autres, oui. De futurs hommes politiques de droite tels que Longuet, Devedjian, Madelin ou Novelli. Des bébés Albertini, en somme. C'est ça. Enfin, revenons à la campagne présidentielle de 1974. Albertini ne sera pas étranger au fait que beaucoup de militants d'extrême droite soutiendront la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. Le service d'ordre du candidat sera même assuré par ces types. Mais c'est d'une autre initiative dont je voulais vous parler. France Matin, ça vous dit quelque chose ? Non, à part le fait que c'est l'inverse de François. Eh bien justement, France Matin a été un journal très éphémère puisqu'il n'a connu qu'un numéro. Mais quel numéro ? Tiré à plusieurs millions d'exemplaires, il annonçait avec de gros titres à sensation les catastrophes qui frapperaient d'emblée les Français sous un pouvoir socialo-communiste, à commencer par les rationnements. Malheureusement, le Canard enchaîné a eu vent de l'affaire et a dénoncé les instigateurs de ce mauvais coup qui appartenait directement ou indirectement à la maison Albertini. Et donc ça n'a pas marché. Mais Valéry Giscard d'Estaing est quand même élu président, c'est donc aussi un peu grâce à Albertini, non ? C'est vrai, mais VGE ne lui est guère reconnaissant. Alors l'infatigable homme de l'ombre va se rapprocher de celui qui deviendra le meilleur ennemi de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. On prétend même qu'il a été l'un des inspirateurs du fameux appel de Cochin en 1978. La dénonciation du parti de l'étranger, hein, comme qu'il a dit, et au fond, le vrai divorce avec Giscard. Et cette proximité avec certains gaullistes permettra même à Albertini d'occuper un bureau au siège du RPR, rue de Lille, ce qui fera hurler quelques gaullistes historiques fidèles à l'esprit de la résistance. Cependant, Albertini, proche d'un focard, par exemple, et donc pas très éloigné du sac, jouera un dernier rôle politique en contribuant à la défaite de Giscard d'Estaing de 1981. Mais l'élection de Mitterrand et surtout l'entrée au gouvernement de ministres communistes lui porteront un coup fatal. En 1983, il entre à l'hôpital pour subir une petite intervention chirurgicale. Il n'en ressortira pas vivant. Vous n'avez quand même pas me parlé d'une mort suspecte. Non, non, mais lui-même a failli être impliqué dans une affaire d'assassinat dont je vous ai parlé il y a fort longtemps. L'attentat qui a frappé le militant d'extrême droite, François Dupont. Ah oui, mort en 1978 dans l'explosion de sa voiture qui avait été piégée. Et si l'on a beaucoup parlé de Georges Albertini à propos de cette affaire, c'est que Duprat allait publier un livre où il comptait bien révéler quelques-uns des secrets de la maison Albertini, et surtout l'origine de son financement. Ah oui, alors de là à penser qu'Albertini aurait pu commanditer cet assassinat? Bien sûr, mais désolé de vous décevoir, il n'a vraisemblablement rien eu à voir avec cette histoire. Et Duprat, informateur de la police, a sans doute été victime des contacts ténébreux qu'il entretenait avec de dangereux personnages du Proche-Orient. Trois livres pour terminer. Comme la semaine passée, je vous recommande la lecture de la très documentée Histoire secrète du patronat de Benoît Colomba et David Servenay, où vous pourrez faire votre miel de quelques épisodes au cours desquels l'éminence grise Albertini a joué un rôle obscur. Deux autres ouvrages aussi signés par Frédéric Charpier, La CIA en France et Génération Occident. Et si vous êtes encore un peu plus curieux, vous irez jeter un œil dans les archives du Monde où vous trouverez, à la date du 10 avril 1983, sous la signature de Gilbert Comte, une nécrologie particulièrement complaisante de Georges Albertini, un article qui a provoqué l'indignation de plusieurs collaborateurs du journal. Et comme je sais, chers auditeurs, que vous êtes aussi de fervents lecteurs, je vous rappelle que à Bécherel, aujourd'hui, demain, après-demain, se tiendra le festival du livre Bécherel, la cité aux 13 libraires. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous. Et merci, comme d'habitude, à Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.